Toujours à l'occasion du jour de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, il y a eu rassemblement, rendez-vous d'amitié et séance de film au Vietnam, en Angola, en Équateur et au Nigeria. Y on prépare les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Lors des cérémonies, les orateurs ont exprimé l'hommage suprême au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il, qui ont fondé un pouvoir authentique axé sur les masses populaires et renforcé la Corée en une puissance invincible. Ils ont affirmé que la Corée socialiste du Tché, conduite par le maréchal Kim Jong-un, remporte successivement des succès remarquables dans la révolution et le développement du pays.